Vous écoutez Nostalgie en Guyane sur 99.3 et 99.6. Nostalgie. Les plus grands tubes. Tous les matins sur Nostalgie, votre horoscope éclaire votre journée. C'est l'horoscope Nostalgie. L'horoscope. Bonjour à tous, voici l'horoscope de ce lundi 7 juillet. Les béliers, vos amis sont au rendez-vous de ce lundi agréable. Grand air et balade sont vos alliés minceurs. Les taureaux, vous retrouvez le sourire grâce à un ciel clément. Un projet remet vos activités sur les rails. Gémeaux, en amour et en couple, vous avez le feeling. En solo, une rencontre égaye votre déjeuner. Les cancers, vous vous laissez porter par un courant agréable. En vacances, vous flottez sereinement sur un océan de tranquillité. Lion, ce lundi sympathique réunit vos amis autour d'un verre ou d'une activité commune. Vous êtes en forme aujourd'hui. Vierge, avec vos enfants ou les plus jeunes, ce lundi passe vite. Le rire et la bonne humeur sont au rendez-vous. Les balances, Jupiter et Vénus favorisent les amours des natifs d'octobre. Né en septembre, c'est du sérieux ou rien du tout. Scorpion, la lune met l'accent sur la maison et sur un petit projet de rénovation. Vous avez envie de neuf. Sagittaire, une relation s'harmonise. Vous êtes à l'écoute de votre tendre moitié. Une escapade à deux vous fait du bien. Capricorne, un projet vous intéresse, d'autant plus qu'il pourrait ajouter un peu de beurre dans vos épinards. Exploitez davantage vos idées. Verseau, la lune relance votre forme. Vous êtes ouvert à l'amitié. En amour, vous prenez le meilleur, tout simplement. Et enfin, poisson, cap sur une journée de farniente. Cultivez l'art de ne rien faire du tout, sauf une petite sieste réparatrice. Très vite. Nostalgie. Les plus grands tubes non-stop. Nostalgie. Nostalgie. Les plus grands tubes. Nostalgie en Guyane sur 99.3 et 99.6. Nostalgie. Les plus grands tubes.